Paul Verlaine, Femme, imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part. 1890. Ouverture. Je veux m'abstraire vers vos cuisses et vos fesses, putain, du seul vrai Dieu, seule prêtresse vraie, beauté, mûres ou non, novices et professes, oh, ne vivre plus qu'en vos fentes et vos raies. Vos pieds sont merveilleux, qui ne vont qu'à l'amant, ne reviennent qu'avec l'amant, n'ont de répit qu'au lit pendant l'amour, puis flattent gentiment ceux de l'amant qui, là et soufflant ce tapis, pressés, fleurés, baisés, léchés depuis les plantes jusqu'aux orteils, sucés les uns après les autres jusqu'aux chevilles, jusqu'au lac des veines lentes, pieds plus beaux que des pieds de héros et d'apôtres. J'aime fort votre bouche et ses jeux gracieux, ceux de la langue et des lèvres, et ceux des dents mordillant notre langue et parfois même mieux, truc presque aussi gentil que de mettre dedans. Et vos seins, double monde d'orgueil et de luxure, entre quels mon orgueil viril parfois se guinde, pour s'y gonfler à l'aise et s'y frotter la hure, tel un sanglier esveau du Parnasse et du Pinde. Vos bras, j'adore aussi vos bras, si beaux, si blancs, tendres et durs, dodus, nerveux qu'en faux, et beaux et blancs comme vos culs, et presque aussi troublants, chauds dans l'amour, après frais comme des tombeaux. Et les mains au bout de ses bras, que je les gobe, la caresse et la paresse les ont bénies, rameneuses du gland transi qui se dérobe, branleuses aux sollicitudes infinies. Mais quoi? Tout ce n'est rien, putain! Au prix de vos culs et cons dont la vue et le goût et l'odeur et le toucher font des élus de vos dévots, tabernacles et saints des saints de l'impudeur. C'est pourquoi, mes sœurs, vers vos cuisses et vos fesses, je veux m'abstraire tout, seule compagne vraie, beauté mûres ou non, novice ou professe, et ne vivre plus qu'en vos fentes et vos raies. 1. À celle que l'on dit froide. Tu n'es pas la plus amoureuse de celles qui m'ont pris ma chair. Tu n'es pas la plus savoureuse de mes femmes de l'autre hiver, mais je t'adore tout de même. D'ailleurs, ton corps doux et bénin a tout, dans son calme suprême, de si grassement féminin, de si voluptueux sans phrase, depuis les pieds longtemps baisés jusqu'à ses yeux clairs, purs d'extase, mais que bien et mieux apaisés. Depuis les jambes et les cuisses, jeunettes sous la jeune peau, à travers ton odeur d'éclisses et d'écrevisses fraîches, beau, mignon, discret, doux petit chose, à peine ombré d'un or fluet, t'ouvrant en une apothéose à mon désir rauque et muet. Jusqu'au joli tétin d'infante, de miss à peine en puberté, jusqu'à ta gorge triomphante dans sa gracile vénusté, jusqu'à ses épaules luisantes, jusqu'à la bouche, jusqu'au front naïf aux mines innocentes qu'au fond les faits démentiront. Jusqu'aux cheveux courts, bouclés, comme les cheveux d'un petit garçon, mais dont le flot nous charme en somme, parmi leur apprêt sans façon. En passant par la lente échine, dodue à plaisir, jusqu'aux culs somptueux, blancheur divine, rondeur digne de ton ciseau, molle canova. Jusqu'aux cuisses qu'il sied de saluer encore, jusqu'aux mollets, fermes délices, jusqu'aux talons de rose et d'or. Nos nœuds furent incoercibles? Non, mais eurent leur attrait leur. Nos feux se trouvèrent terribles? Non, mais donnèrent leur chaleur. Quant aux poings froides? Non pas. Fraîches. Je dis que notre sérieux fut surtout, et je m'en pourlèche, une masturbation, mieux, bien qu'aussi bien les prévenances sussent préparées, sans plus, comme l'on dit, d'inconvenance, pensionnaire qui me plut. Et je te garde entre mes femmes du regret, non sans quelque espoir de quand peut-être nous aimâmes et de sans doute nous ravoir. 2. Partie carrée. Chute des reins, chute du rêve enfantin d'être sage, fesses, trône adoré de l'impudeur, fesses, dont la blancheur divinise encore la rondeur, triomphe de la chair mieux que celui par le visage. Saint, double mont d'azur et de lait, aux deux cimes brunes, commandant quel vallon, quel bois sacré! Saint, dont les bouts charmants sont un fruit vivant, savouré par la langue et la bouche, ivre de ses bonnes fortunes. Fès, et leurs ravins mignards d'ombre rose un peu sombre, où rôde le désir devenu fou. Chers oreillers, coussins aux plis profonds pour la face ou le sexe, et frais repos des mains après ces tours sans nombre. Saint, fin régal aussi des mains qu'il gorge de délices, saint lourd, puissant, imbrins fiers et moqueurs, dandinés, balancés, et, se sentant forts et vainqueurs, vers nos prosternements comme regardant en coulisses. Fès, les grandes sœurs des saints, vraiment, mais plus nature, plus bonhomme, sourieuses aussi, mais sans malice trop, et qui s'abstiennent du souci de dominer, étant belles pour toute dictature. Mais quoi, vous quatre, bons tyrans, despotes doux et justes, vous, impérial, et vous, princiers, qui courbez le vulgaire et sacrez vos initiés, gloire et louange à vous, saint très saint, fès très auguste. 3. Triolets à une vertu, pour s'excuser du peu. À la grosseur du sentiment ne va pas mesurer ma force. Je ne prétends aucunement à la grosseur du sentiment. Toi, serre le mien bontément entre ton arbre et ton écorce. À la grosseur du sentiment ne va pas mesurer ma force. La qualité vaut mieux, dit-on, que la quantité, fût-ce énorme. Vive un gourmet, fille du glouton, la qualité vaut mieux, dit-on. Allons. Sois gentille, et que ton goût à ton désir se conforme. La qualité vaut mieux, dit-on, que la quantité, fût-ce énorme. Petit poisson deviendra grand pourvu que l'on lui prête vie. Sois ce long-là. Sur ce garant, petit poisson deviendra grand. Prête-la-moi. Je te le rendrai gaillard et digne d'envie. Petit poisson deviendra grand pourvu que l'on lui prête vie. Mon cas se rit de ton orgueil, étant fier et de grand courage. Tu peux bien en faire ton deuil. Mon cas se rit de ton orgueil comme du chat qui n'a qu'un œil et le voue au dernier outrage. Mon cas se rit de ton orgueil, étant fier et de grand courage. Tout de même, et sans trop de temps, c'est fait. Sat prata, l'ordre règne. Sabre au clair et tambour battant, tout de même, et sans trop de temps. Bien que pourtant, bien que content mon cas pleure et ton orgueil saigne, tout de même, et sans trop de temps, c'est fait. Sat prata, l'ordre règne. 4. Goûts royaux. Louis XV aimait peu les parfums. Je l'imite, et je leur acquiesce en la juste limite. Ni flacons, s'il vous plaît, ni sachets en amour. Mais, oh, qu'un air naïf et piquant flotte autour d'un corps pourvu que l'art de m'exciter s'y trouve. Et mon désir chéri et ma science approuve dans la chair convoitée à chaque nudité l'odeur de la vaillance et de la puberté ou le relent très bon des belles femmes mûres. Même, j'adore, tes morales, tes murmures, comment dirais-je, ces fumées contient secret du sexe et des entours, dès avant comme après la divine accolade et pendant la caresse, quelle qu'elle puisse être, ou doive, ou le paresse. Puis, quand sur l'oreiller mon odorat lassé comme les autres sens du plaisir ressassé somnole, et que mes yeux meurent vers un visage s'éteignant presque aussi, souvenir et présage de l'entrelacement des jambes et des bras, des pieds doux se baisant dans la moiteur des draps, de cette langueur mieux voluptueuse monte un goût d'humanité qui ne va pas sans honte, mais si bon qu'on croirait en manger. Dès lors, voudrais-je encore du poison étranger d'une flagrance prise à la plante, à la bête, qui vous tourne le cœur et vous brûle la tête, puisque j'ai, pour magnifier la volupté, proprement la quintessence de la beauté. 5. Filles. 1. Bonne simple fille des rues, combien te préférais-je aux grues qui nous encombrent le trottoir de leur traîne, mon décrottoir. Poseuse et bêtes poupées rien que de chiffons occupés, ou de courses, ou de paris, fléau déchaîné sur Paris. Toi, tu m'es un vrai camarade qui la nuit monterait en grade, et même dans les draps câlins garderait des airs masculins, amante à la bonne franquette, l'ami à travers la coquette qu'il te faut bien être un petit pour agacer mon appétit. Oui, tu possèdes des manières si farceusement garçonnières qu'on croit presque faire un péché, pardonné puisqu'il est caché, sinon que t'as les fesses blanches, de frais bras ronds et d'amples hanches, et remplace ce que n'a pas par tant d'orthodoxes appâts. T'es un copain tant t'es bonne âme, tant t'es toujours tout feu, tout flamme, s'il s'agit d'obliger les gens, fût-ce avec tes pauvres argents, jusqu'à doubler ta rude ouvrage, jusqu'à mettre du linge en gage. Comme nous, t'as eu des malheurs, et tes larmes valent nos pleurs, et tes pleurs mêlés à nos larmes ont leur salace et leur charme, et de cette pitié que tu nous portes sort une vertu. T'es un frère qu'est une dame, et qu'est pour le moment ma femme. Bon. Puis, dormons jusqu'à potron minette, en boule, et rond, rond, rond. Serre-toi que je m'acoquine le ventre au bas de ton échine, mes genoux emboîtant les tiens, tes pieds de gosse entre les miens. Roule ton cul sous ta chemise, mais laisse ma main que j'ai mise au chaud sous ton gentil tapis. Là, nous voilà quoi ? Bien tapis. Ce n'est pas la paix, c'est la trêve. Tu dors ? Oui. Pas de mauvais rêves, et je somnole en gai frisson, le nez pâmé sur tes frisons. 2. Et toi, tu me chausses aussi, malgré ta manière un peu rude, qui n'est pas celle d'une prude mais d'un virago réussi. Oui, tu me bottes, quoique tu gargarises dans ta voix d'homme toutes les gammes du rogome, buveuse à coudre abattu. Mes femmes, sacré nom de Dieu, à nous faire perdre la tête, nous foutre tout le reste en fête et, nom de Dieu, le sang en feu. Ton corps dresse, sous le reps noir, sans qu'assurément tu nous triches, une paire de nénés riches, souples, durs, excitants, faut voir. Et moule un ventre jusqu'au bas, entre deux friands hauts de cuisse, qui parlent de sauce et d'épices, pour quel poisson, de quel repas. Tes bas blancs, et je t'applaudis de n'arlequiner point tes formes, nous font ouvrir des yeux énormes sur des mollets que rebondit. Ton visage de brune, où les traces de robuste fatigue marquent clairement que tu brigues surtout le choc des murs râblés, ton regard ficelle et gobeur qui sait se mouiller puis qui mouille, où toute la godaille grouille sans reproche, oh non, mais sans peur. Toute ta figure, des pieds cambrés vers toutes les étreintes, aux traits crépis, aux mèches teintes par nos longs baisers épiés, ravigote les roquentins et les ci-devant jeunes hommes que voilà bientôt que nous sommes, nous électrise en vieux pantins. Fais de nous de vrais bacheliers, empressés autour de ta croupe, humant la chair comme une soupe, prêts à râler sous tes souliers. Tu nous mets bientôt à Kia, mais patiente avec nos restes, les accommodes, mots et gestes, en ragoût ou de tout y a. Et puis, quoique mauvaise au fond, tu nous as de ces indulgences, toi, si teigne entre les engeances, tu fais tant que les choses vont. Tu nous gobes, ou nous le dis, non de te satisfaire, ô goule, mais de nous tenir à la coule, d'au moins les trucs les plus gentils. Ces devoirs, nous les déchargeons, parce qu'au fond tu nous violes, quitte à te fiche de nos fioles, avec de plus jeunes cochons. 6. À madame. Quand tu m'enserres de tes cuisses la tête ou les cuisses, gorgeant ma gueule des battes d'hélice de ton jeune foutre astringent, ou mordant d'un con à la taille, juste de tel passe-partout, mon vie, point très gros mes canailles, depuis les couilles jusqu'au bout, dans la pinette et la minette, tu tords ton cul d'une façon qui n'est pas d'une femme honnête, et nom de Dieu, t'as bien raison. Tu me fais des langues fourrées quand nous baisons, d'une longueur et d'une ardeur démesurées qui me vont, merde, au droit du cœur. Et ton con exprime ma pine, comme un ours têterait impie, ours bien léché, toison rupine, que la mienne a pour fier tapis. Ours bien léché, gourmand des saoules, ma langue ici peut l'attester qui fit à ton clitoris boule de gomme, à ne plus le compter. Bien léché, oui, mais âpre en diable, ton con joli, taquin, coquin, qui rit, rouge sur fond de sable, telles les lèvres d'Arlequin. 7. Vas une Gwentatum. Admire la brèche moirée et le ton rose-blanc qui met la trace encore de mon entrée au paradis de Mahomet. Vois, avec un plaisir d'artiste, ô mon vieux regard fatigué, d'ordinaire à bon droit si triste, ce spectacle, opulent et gai. Dans un mol écrin de peluche noire aux reflets de cuivre roux, qui serpente comme une ruche d'un bijou, le dieu des bijoux palpitant de sève et de vie, et vers l'extase de l'amant essorant la senteur ravie, on dirait, à chaque élément. Surtout, contemple et puis respire, et finalement baise encore et toujours la gemme en délire, le rubis qui rit, fleur du fort intérieur, tout petit frère épris de l'autre et le baisant, aussi souvent qu'il le peut faire, comme lui soufflant à présent. Mais repose-toi, car tu flambes. Aussi lui commence à peser cuisses et ventres, seins et jambes qui ne cessaient de l'embraser. Hélas, voici que son ivresse me gagne et s'en vient embrasser toute ma chair qui se redresse. Allons, c'est à recommencer. 8. Idylle High Life. La galopine à pleine main branle la pine au beau gamin. L'heureux potage décaloté jouit et crache de tous côtés. L'enfant, rieuse, à voir ce lait et curieuse de ce qu'il est, hume une goutte au bord du pis, puis, dame, en route, ma foi, tant pis, pour lèche et baise le joli bout, plus ne biaise, pompe le tout. Petit vicomte de je ne sais, point ne raconte trop ce succès, fleur d'élégance, ô Aristis de tes vacances 90, ces algarades dans les châteaux, tes camarades, même lourdeau pourrait sans peine t'en raconter à la douzaine, sans inventer. Et les cousines, anges déchus de ces cuisines et de ces jus, sont coutumières, pauvres trognons, dès leur première communion, ce jeune frère en attendant leurs adultères vous impendant. 9. Tableau populaire. L'apprenti, point trop maigrelet, 15 ans, pas beau, gentil dans sa rudesse un peu molle, la peau mate, l'œil vif et creux, sort de sa cotte bleue, fringante et raide au poing, sa déjà grosse queue, et pine la patronne, une grosse encore bien. Pâmé au bord du lit, dans qu'elle maintient vaurien, jambes en l'air et seins au clair, avec un geste. À voir le gars serrer les fesses sous sa veste et les fréquents pas en avant que ses pieds font, il appert qu'il n'a pas peur de planter profond ni d'enceinter la bonne dame qui s'en fiche. Son cucu n'est-il pas là, confiant et riche? Aussi bien, arrivée au suprême moment, elle s'écrie en un subit ravissement « Tu m'as fait un enfant, je le sens, et t'en aimes d'autant plus. » « Et voilà les bonbons du baptême, dit-elle après la chose, et tendre à croppeton, lui soupèse et pelote, et baise les roustons. 10. Billet à Lily. Ma petite compatriote, m'est avis que veniez ce soir frapper à ma porte et me voir. Oh, la scandaleuse ribote de gros baisers et de petits, conformes à mes gros appétits. Mais les vôtres sont-ils si mièvres? Primo, je baiserai vos lèvres. Toutes, c'est mon cher entremets, et les manières que j'y mets, comme en tant de choses vécues, sont friandes et convaincues. Vous passerez vos doigts jolis dans la flave barbe d'apôtre, et je caresserai la vôtre. Et sur votre gorge de lys, où mes ardeurs mettront des roses, je poserai ma bouche en feu. Mes bras se piqueront au jeu, pâmés autour des bonnes choses de dessous la taille et plus bas. Puis mes mains, non sans fol combat, avec vos mains mal courroucées, flatteront de tendres fessées ce beau derrière, qu'étreindra tout l'effort qui leur bandera ma gravité vers votre centre. À mon tour, je frappe. Oh, dis, entre. 11. Pour Rita. J'abomine une femme maigre. Pourtant, Je t'adore, ô Rita, avec tes lèvres un peu nègres où la luxure s'empâta, avec tes noirs cheveux, obscènes à force d'être beaux ainsi, et tes yeux où ce sont des scènes, sentant, paroles, le roussi, tant leur feu sombre et gai quand même d'une si lubrique gaieté, éclair de grâce suprême dans la pire impudicité. Regard flûtant aux virtuoses pratiques dont on se tait. Quoi que tu proposes, ose tout ce que ton cul te dictait. Et sur ta taille comme d'homme, fine et très fine cependant, ton buste perplexe Sodome, entreprenant puis hésitant. Car dans l'étoffe trop tendue de tes corsages corrupteurs, tes petits seins durs de statue disent « Homme ou femme ?» Au bandeur. Mais tes jambes, que féminine leur grâce grasse vers le haut jusques aux fesses que devine mon désir, jamais en défaut, dans les plis cochons de ta robe qu'un art salope sut disposer pour montrer plus qu'il ne dérobe un ventre où le mien se posait. Bref, tout ton être ne respire que fins et soif et passion. Or, je me crois encore pire. Faudrait que nous comparassions. Allons. Vite au lit, mon infante. Ça, livrons-nous jusqu'au matin une bataille triomphante à qui sera le plus putain. 12. Au bal. Un rêve de cuisse de femme, ayant pour ciel et pour plafond les culs et les cons de ces dames, très beaux, qui viennent et qui vont. Dans un ballon de jupe gaie, sur des airs gentils et cochons, et les culs vous ont de ces raies, et les cons vous ont des manchons. Des bas blancs sur quels mollets fermes, si rieurs et si bandatifs, avec, en haut, sans fin ni terme, ce train d'appas en pendentif, et des bottines bien cambrées, moulant des pieds grands juste assez, mènent des danses mesurées, en pas vifs comme un peu lassés. Une sueur particulière, sentant à la fois bon et pas, foutre et mouille, et trou du culière, et haut de cuisse et bas de bas, flotte et vire, joyeuse et molle, mêlée à des parfums de peau à nous rendre la tête folle que les youtres ont sans chapeau. Notez combien bonne ma place se trouve dans ce bal charmant. Je suis par terre, et ma surface semble propice apparemment aux appétissantes danseuses qui veulent bien, on dirait pour telles intentions farceuses, tournoyer sur moi quand mon tour, ce par un extraordinaire privilège en elle ou moi, sans me faire mal au contraire, car l'aimable, le doux émoi que ces 500 000 chatouilles de peutons vous caracolant, a même les jambes, les couilles, le ventre, la queue et le gland. Les chants se taisent et les danses cessent, aussitôt les fessiers de mettre au pas leur charme dense. Ô ciel! L'un d'entre eux, tu t'assieds juste sur ma face, de sorte que ma langue entre les deux trous divins vague de porte en porte au pourchat de riches ragoûts. Tous les derrières à la file s'en viennent généreusement m'apporter, chacun dans son style, ce vrai banquet d'un vrai gourmand. Je me réveille, je me touche. C'est bien moi, le pou au galop, la nom de Dieu de fausse couche, le nom de Dieu de vrai salaud. 13. Reddition. Je suis foutu. Tu m'as vaincu. Je n'aime plus que ton gros cul tant baisé, léché, reniflé, et que ton cher con tant branlé, piné, car je ne suis pas l'homme pour Gomorre ni pour Sodome, mais pour Paphos et pour Lesbos. Et tant gamahuché, ton con, converti par tes seins si beaux, tes seins lourds que mes mains soupèsent, afin que mes lèvres les baisent, et, comme l'on hume un flacon, suce leur bout raide puis mou, ainsi qu'il nous arrive à nous avec nos gaules variables. C'est un plaisir de tous les diables que tirer un coup en gamin, en épicier ou en levrette, ou à la Marie-Antoinette, etc. Jusqu'à demain, avec toi, despote adoré, dont la volonté m'est sacrée, plaisir infernal qui me tue et dans lequel je m'évertue à satisfaire ta luxure. Le foutre s'épand de mon vie comme le sang d'une blessure. N'importe. Tant que mon cœur vit et que palpite encore mon être, je veux remplir en tout ta loi, n'ayant dure maîtresse en toi plus de maîtresse, mais un maître. 14. Régal. croise tes cuisses sur ma tête, de façon à ce que ma langue, taisant toute sotte harangue, ne puisse plus que faire fête à ton con, ainsi qu'à ton cul, dont je suis là jamais vaincu, comme de tout ton corps du reste. Et de ton âme mal céleste, et de ton esprit carnassier qui dévore en moi l'idéal, et m'a fait le plus putassier, du plus pur, du plus lilial que j'étais avant ta rencontre, depuis des ans et puis des ans. Là, dispose-toi bien, et montre par quel geste complaisant qu'au fond t'aime ton vieux bonhomme, ou du moins le souffre faisant minette avec boule de gomme et feuille de rose, tout comme un plus jeune mieux séduisant sans doute, mais moins batte en somme quant à la science et au fer. Ô ton con, qu'il sent bon, j'y fouille tant de la gueule que du blaire, et j'y fais le diable, et j'y flaire, et j'y farfouille, et j'y bafouille, et j'y renifle, et, oh, j'y bave. Dans ton con à l'odeur cochonne que surplombe une motte flave et qu'un duvet roux environne qui mène au trou miraculeux où je farfouille, où je bafouille, où je renifle et où je bave, avec le soin méticuleux et l'âpre ferveur d'un esclave affranchi de tout préjugé. L'arrêt adorable que j'ai léché amoroso depuis les reins en passant par le puits où je m'attarde en un long stage pour les dévotions d'usage, me conduit tout droit à la fente triomphante de mon infante. Là, je dis un salamalek absolument ésotérique, au clitoris rien moins que sec, si bien que ma tête d'en bas qu'exaspère tous ses ébats s'épanche en blanche rhétorique, mais s'apaise dès ses prémices. Et je m'endors entre tes cuisses qu'à travers tout cet émoi tendre, la fatigue t'a fait détendre. 15. Gaminerie. Depuis que ce m'est plus commode de baiser en gamin, j'adore cette manière et l'aime encore plus quand j'applique la méthode qui consiste à mettre mes mains bien fort sur ton bon gros cul frais, chatouille un peu conçu exprès pour mieux entrer dans tes chemins. Alors, ma queue est en ribote de ce con qui de fait la baise et de ce ventre qui lui pèse d'un poids salope, et sa clapote, et les tétons de déborder de la chemise lentement et de danser indolemment, et mes yeux de comme bandés, tandis que les tiens d'une vache, tels ceux-là des Junons antiques, leur fichent des regards obliques, profonds comme des coups de hache, si que je suis magnétisé et que mon cabochon d'en bas, non toutefois sans quel combat, se rend tout à fait médusé. Et je jouis. Et je décharge dans ce vrai cauchemar de viande à la fois friande et gourmande et tour à tour étroite et large et qui remonte et redescend et rebondit sur mes roustons en saut où mon vie à tâtons pris d'un vertige incandescent parmi des foutres et des mouilles meurt puis revit puis meurt encore, revit, remeurt, revit encore par tout ce foutre et que de mouilles. Cependant que mes doigts, non sans te faire un tas de postillons, légers comme des papillons, mais profondément caressants, et que mes paumes de tes fesses, froides modérément, tout juste remontent lento vers le buste tiède sous leurs chaudes caresses. 16. Hommage dû. Je suis couché tout de mon long sur son lit frais. Il fait grand jour, c'est plus cochon, plus fait exprès. Par le prolongement dans la lumière crue de la fête nocturne immensément accrue, pour la persévérance et la rage du cul et ce soin de se faire soi-même cocu. Elle est à poil et s'accroupit sur mon visage pour se faire gamahucher, car je fus sage hier et c'est, bonne elle au-delà du penser, sa royale façon de me récompenser. Je dis royale, je devrais dire divine, ses fesses, chair sublime, alme, peau, pulpe fine, galbe puissamment pur, blanc, riche, aux stries d'azur, cette raie au parfum bandatif, rose obscure, lente, grasse, et le puits d'amour, que dire sûr. Régal final, dessert du con bouffé, délire de ma langue arpant les plis comme une lyre, et ses fesses encore, telle une lune en deux quartiers, mystérieuse et joyeuse, où je veux dorénavant nicher mes rêves de poète et mon cœur de tendeur et mes rêves d'esthète. Et maîtresse, ou mieux, maître en silence obéi, elle trône sur moi, caudataire ébloui. Fin. Morale en raccourci. Une tête de blonde et de grâce pâmée, sous un cou roux couleur de beaux tétons bandants, et leurs médaillons sombres à la mame enflammée, ce buste assis sur des coussins bas, cependant qu'entre deux jambes très vibrantes, très en l'air, une femme à genoux vers quels soins occupés, amour le sait, ne montre aux dieux que l'épopée candide de son cul splendide, miroir clair de la beauté qui veut s'y voir afin d'y croire. Cul féminin, vainqueur serein du cul viril, fut-il éphébéen et fut-il puéril, cul féminin, cul sur tout cul, l'os culte et gloire.